naissance de l'aube. On voit disparaître le temps par la fenêtre, et la rue qui s'exile ouvre la plaine du souvenir. Des jardins surgissent au milieu de chaque pierre, comme des mots inconnus qui vous battent la face avec une violence d'orage, éparpillant des lambeaux de feu contre les livres déserts, dans des éclats de vitres, parmi les ronces du crépuscule. Les feuillages mouillés grimpent sur la façade pour prendre d'assaut l'ombre de la chambre où tout bourdonne autour des figures oubliées, de chaque objet perdu, des doigts qui ne servent à rien. La pluie roule sur le duvet des oiseaux et s'infiltre dans le cœur en gouttes éclatantes pour franchir la mémoire. L'aube inoculée prend feu tout à coup. On voit apparaître le vent par la fenêtre et la rue qui crépite ouvre la main de l'avenir. Ooh.